On va continuer d'en parler jusqu'à midi et demi. Leïla Slimani, notre invitée. D'abord, voici l'humeur de Guillaume Auguiz. Bonjour les amis. Salut. Comme vous le savez sûrement, si vous êtes le rédacteur chef de cette émission et que vous avez lu mon texte, aujourd'hui je vais parler de Chamath Palihapitiya. Quoi encore lui, putain, tu nous casses les couilles avec Chamath Palihapitiya chaque semaine. Non, c'est, on déconne, c'est qui c'est qui encore? Eh bien, figurez-vous, c'est un ancien cadre de Facebook qui aujourd'hui parle de Facebook comme quand tu parles de ton ex. Enfin, en tout cas, si ton ex t'a trompé avec ton père, ta tante et 8 de tes collègues en postant les vidéos sur l'intranet du lycée de ta fille. Donc, tu vois, dans les grandes lignes, il est mitigé, Chamath Kodé. On se parle à foule dithyrambe. Alors, Facebook, je resitue quand même. Pour nos auditrices et auditeurs qui seraient atteints de détresse numérique, et Dieu sait qu'avec la moyenne d'âge, on est sur une belle majorité silencieuse. Facebook, c'est quoi Facebook? Facebook, c'est colossal, c'est 200 000 utilisateurs en Franche-Comté, c'est une flotte de camions 4 tonnes, 6 tonnes, 9 tonnes, un karaoké d'entreprise personnalisée avec les derniers tubes de Chimène Bali, la garantie d'un pot de départ réussi. Facebook, c'est un réseau social qui a 13 ans, Roman Polanski vient de s'inscrire là il y a quoi, 3-4 jours, par curiosité, gros succès. Donc, mais succès décrié par certains de ses anciens dirigeants, dont le fameux Chamath Palihapitiya. Qu'est-ce qu'il dit? Qui a tenu une conférence au Vitriol à la Stanford Graduate Business School, une école prestigieuse qui me tient évidemment à cœur puisque j'y ai enseigné plusieurs années. D'abord les sciences cognitives, puis l'addiction au Kinder Chocobon, avant de me consacrer à l'humour approximatif de service public. Et effectivement, qu'est-ce qu'il a dit Chamath Palihapitiya? Il a notamment déclaré en parlant de Facebook que ses enfants n'étaient pas autorisés à utiliser cette merde, ce qu'on appelle dans le jargon des neurosciences la technique Nagui. Nagui dont les enfants ne sont évidemment pas autorisés à écouter la bande originale. Une étude slovène ayant démontré que l'exposition aux chroniques de Daniel Morin créerait à terme des adolescents sans repères, des sociopathes en puissance, voire des fans de Tonton David. On les salue, vos gamins Nagui, ils nous rejoindront comme tout le monde dans 60 ans. Mais au fond, que reproche effectivement Chamath Palihapitiya à Facebook, se demande Leïla, feignant l'indifférence à ce que je raconte avec une superbe intensité. Eh bien, en gros, de créer de la dépendance et de déchirer le tissu social, carrément quoi. Et quand on sait qu'il a quand même occupé un poste dirigeant dès 2007 pour quitter Facebook en 2011, on se dit forcément « sale traître, tout !» D'où on va écouter ce mec à abandonner son... Il abandonne ses gens après 4 ans, sale lâche. Non, n'importe quoi, Facebook déchirer le tissu social, n'importe quoi. Il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai reçu un message privé sur ma page Facebook qui disait « Salut Guy, ne le prends pas mal, mais en ce moment, je te trouve un peu grassouillet. » Vous trouvez que ça déchire le lien social, ça? Hein? Non, ça crée du vivre ensemble, absolument. Cette fille, je la connais pas. Ok, bon, c'est vrai. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Sa photo de profil, c'est Je suis Charlie, donc je sais pas à quoi elle ressemble. Peu importe. En plus, j'ai maigri. Non, je mange que des salsifis. Mais aujourd'hui, au moins, je sais qu'elle me trouve grassouillée. Voilà, et bien grâce à elle, je vais me remettre au sport ou la bloquer. J'ai pas encore décidé. Mais ça va me pousser à l'action, quelque part. Il faut arrêter de tout reprocher à Facebook comme ça, soi-disant, c'est un puissant fond de validation sociale. Regardez-moi, par exemple, je suis orphelin. Bah, bon, du coup, mes parents me disent assez peu ce qu'ils pensent de mes chroniques. Vu que là, ils sont absents du système solaire. Eh bien. Mes chroniques, je les poste sur Facebook. En tout cas, quand elles sont réussies, ça me permet de pouvoir espacer mes posts. Deux en hiver, trois au printemps, c'est pas bourratif pour l'utilisateur, mais les likes, voilà, ça compense un peu l'amour que je reçois pas de mes parents ou des membres de la bande originale. C'est vrai, soi-disant les gens postent frénétiquement parce qu'ils sont addicts à la dopamine, etc., que ça procure Facebook. Là encore, j'ai dit couille de Gérard la semaine passée. Quelqu'un a écrit sur un mur: je suis vraiment désolé, mais je tiens à signaler que je n'ai rien à dire sur la mort de Johnny. Ça, c'est un post frénétique peut-être. Je crois pas, non. Non, ça, c'est juste quelqu'un qui a pas une opinion tranchée sur la mort de Johnny. Ok, bon, c'est vrai, on n'est pas tous des sociologues de la musique, mais il a quand même tenu à signaler à la francophonie qu'il avait rien à dire. Et je trouve ça très intéressant, c'est bouleversant l'intérêt. Merde, ça, c'est le vivre ensemble, quoi. Moi, je dis qu'il faut arrêter de cracher dans la soupe les anciens dirigeants de Facebook. Là, quand t'as créé un monstre, tu le défends jusqu'au bout. Bonne émission, bravo, les amis. Merci, Guillaume. C'est bien cette Maudit, la bande originale. Pardon, les gars, vous voulez dire. Il fait très bien le tfou. Je suis admiratif de votre tfou. C'est très bien, bravo. Tu le t'aimes bien.